J'ai de l'amour pour mes frères, et ce qu'il faut pour les traîtres. Du latex pour le sexe, et de sale texte pour les tests. J'ai pas de fric pour les bitches, car trop peu pour moi-même. J'ai pas d'adresse MSN, pas de skyblog, ni de boîte mail. J'ai la barre 20 brinks, pas de string sous mon jean. Pas de bling bling sur la poitrine, j'suis pas une vitrine. On m'a dit en cours d'histoire que mes ancêtres étaient des vikings. Intelligent je le suis, leur système je serais pas une victime. J'ai pas le chic pour divertir, j'kick sans me travestir. Sache qu'on ne corrompt pas un esprit déjà perverti. Au fait, c'est le 45 si je l'ai pas encore dit, nous. Bourg à mettre de grosses rodkas comme le père à Jordi, moi. Je sais d'où je viens et quand je regarde où est-ce que j'en suis aujourd'hui. J'ose pas me demander où je vais. Voilà, je dois être maudit. Je suis pas un bandit, mais je sais qu'au fond c'est ce que maman se dit. Je suis bon qu'à rêver de série 6 de Merco et d'Audi. C'est pour nos taudis. Les mecs introduisent du produit coffré dans le trou de balle. La street, c'est toute une odyssée. Tu crois que tu vas faire quoi? On a la furie et la foi, la folie et la faim. On baisse comme si on avait le choix. Le somme dans les tripes. Tout seul ou en équipe, pas de pétasse dans nos clips. On représente pour nos types. Si on braque c'est pour vivre, si on se bat c'est pour le titre. La mort pour seule limite, à glace sur beat. On rappe le seum dans les tripes. Tout seul ou en équipe, pas de pétasse dans nos clips. On représente pour nos types. Si on braque c'est pour vivre, si on se bat c'est pour le titre. La mort pour seule limite, à glace sur beat. Je fais sourire à la délinquance du bloc jusqu'en garde. Du camtar à la barre, de la cellule au mitard. C'est pas la Dolce Vita, DHLM pour seul héritage. Comme un chat je te pisse dessus pour marquer mon territoire. En tant que loup indomptable, insoumis jusqu'à la muerta. Pas de mafia mais on pratique l'omerta. Comme chez les Rital, pas de lardon dans mon pita. Dossier trop irritable, inimitable, l'unique, le véritable. Vrai que nos manières faire du bif sont discutables, j'avoue c'est regrettable. Aussi vrai que j'emmerde les keufs, leur méthode brutale, y'a que des étalons black comme mon redskin dans mon étable. La queue, entre les jambes, je veux entrer dans la légende. 2006 c'est mon time, ouais, regarde mon état. Comme un coup de chevrotine, j'ai l'art de ne pas faire dans le détail. J'ai le mental de métal, moi je suis un lion lâché dans le bétail. Baisse l'état et les taxes, rien à foutre si je plais pas au pétasse. Le somme dans les tripes, tout seul ou en équipe. Pas de pétasse dans nos clips, on représente pour nos types. Si on braque c'est pour vivre, si on se bat c'est pour le titre. La mort pour seule limite, à glace sur beat. On rappe le somme dans les tripes, tout seul ou en équipe. Pas de pétasse dans nos clips, on représente pour nos types. Si on braque c'est pour vivre, si on se bat c'est pour le titre. La mort pour seule limite, à glace sur beat. Get, brille, get, brille, get.